Dans son entretien du 29 septembre, le porte-parole du comité central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée a dit « Comme on le sait déjà, Séoul a été le cadre de la lutte pour la mobilisation générale en novembre de l'année passée. Il était présent plus de 150 000 ouvriers, paysans et autres, avec une cinquantaine de formations civiles et sociales contre la politique antipopulaire de la bande de Bakounet, surtout le contrôle par l'État du manuel d'histoire et la révision de la loi du travail. Les autorités ont poussé des dizaines de mille policiers à dresser l'obstacle avec des véhicules et à réprimer atrocement la manifestation pacifique en parlant d'illégalité et de manifestation violente. Les canons à eau mêlés du liquide de lacrymogène toxique ont été utilisés délibérément contre les manifestants et le paysan Peng Nam-gi est tombé en état d'évanouissement sur place. À la mort du paysan au bout de 317 jours, les policiers et quelques-uns du parquet ont été expédiés à l'hôpital où il a été hospitalisé dans le but d'utiliser le cadavre à dissimuler leur crime en parlant d'une soi-disant autopsie, ce qui est un acte inhumain. Tout montre clairement que c'est le meurtre délibéré et atroce causé par le pouvoir fantoche et la nature de Bakounet, dictateur horrible, qui est révélé une fois de plus. Pourtant, Bakounet ne présente aucune excuse pour avoir réprimé avec les canons à eau les manifestants à main vide pour la justice sociale et tuer un paysan innocent. Cet acte fasciste n'est propre qu'à la descendante du dictateur rénové, tristement célèbre pour le cynisme et l'atrocité. Tous les compatriotes ont su une fois de plus que sans supprimer Bakounet, source du malheur national, on verra plus de morts en Corée du Sud. Les paysans et autres habitants sud-coréens doivent punir sans merci Bakounet au nom du peuple et faire payer tous les crimes. Tous les travailleurs agricoles de la République populaire démocratique de Corée soutiendront toujours la lutte juste des paysans sud-coréens en lutte pour la justice, la démocratie et le droit à l'existence.